Maxi Sud. Bonjour, moi c'est Tiphaine, je suis bénévole au sein de l'association Rencontres à la campagne, habitante du territoire depuis 3 ans et investie dans cette association depuis une grosse année maintenant. Alors sur le festival, moi je suis dans la commission site extérieur, on se répartit un peu les rôles dans différentes commissions. La commission programmation, elle travaille depuis une petite année sur la programmation de cet événement qui aura donc lieu du 10 au 14 septembre et qui cette année s'axe autour de la thématique un peu très ouverte du road movie. Donc l'idée c'est qu'on prenne la route, qu'on parte d'un continent à l'autre à la rencontre des... Enfin, qu'on se déplace d'un continent à l'autre et qu'on aille à la rencontre des autres, se questionner aussi. C'est un peu on questionne aussi la quête de soi, de son identité, etc. au travers du voyage. Autour de ce thème, des films sortis, enfin voilà, des films à l'ancienne comme Paris, Texas par exemple, mais aussi Animal Totem, un film de Lépine qu'on passera en avant-première, un road movie. On aura aussi Sirate pour la première soirée en sortie nationale, donc un film franco-espagnol qui se passe dans le désert du Maroc et qui est là pour le coup un voyage vers l'enfer, un film très percutant. Des apéro-concerts tous les soirs pour aussi pouvoir discuter des films qu'on ira voir ou qu'on aura vu, parce que l'idée étant aussi de partager autour de la programmation, autour des films. On a le plaisir cette année d'avoir un partenariat avec le collège Lucie Aubrac grâce à la proposition d'Occitanie Film, un partenaire, de participer à des ateliers autour de l'écriture de scénarios. Donc l'idée, c'est que les élèves, toute la semaine, travaillent avec un réalisateur, Mathieu Kiefer, autour de comment on écrit le scénario d'un film, et viennent participer à quelques séances sur le festival en parallèle de ces ateliers. On a également un partenariat avec l'Atelier Blanc autour de la venue d'artistes contemporains qui travaillent sur l'image animée et qui présenteront le samedi leurs différents films. On est très heureux de la venue de Louise Aymon, une réalisatrice qui promet, qui a été pour son premier film en visite à, enfin, qui a présenté son premier film à Cannes. Son film s'appelle L'Englouti. Et c'est un film d'époque, c'est une réalisatrice qui vient du monde plutôt du documentaire et ça se ressent un peu dans cette première fiction. En coulisses, la sélection et le choix de cette édition 2025, ça s'est déroulé comment ? Alors dans l'association, on a... je reprécise que cette association Rencontres à la campagne, elle travaille toute l'année sur la programmation de la salle de Rieux-Pérou, de la salle de cinéma. Mais dans le cadre du festival, on a une commission programmation du festival. Et là, c'est une commission qui se regroupe qui se retrouve dès décembre, janvier, au départ, c'est très très ouvert, et puis petit à petit, on resserre en fait. Et cette année, c'est peut-être autour du mois de février-mars que s'est dessinée l'idée de partir sur les road movies, il y aura seulement 10 films à peu près sur les 25 films qui seront sur cette thématique du road movie. Ensuite, c'est une bénévole qui est très investie à l'Atelier Blanc, Centre d'art contemporain à Villefranche, qui a envie de nouer un partenariat et qui propose cette idée. C'est des coups de cœur de bénévoles. Et l'idée, c'est aussi de tisser des liens entre les différents films et de faire du lien, de construire une sorte de fil rouge, quoi. Cinéphile, non cinéphile, intergénérationnel, c'est un festival pour tous ? Oui, c'est un festival pour tous. Aujourd'hui, le cinéma de Rieux-Pérou est fréquenté par un public assez varié. L'idée, là, c'est de faire venir les collégiens, comme je l'ai dit. On organise des séances aussi pour les scolaires des écoles et pour le centre de loisirs, avec des séances suivies d'ateliers. Donc ça, c'est aussi pour faire venir des jeunes cinéphiles dans la salle, ou des cinéphiles de demain. Et puis, on a un public plus habitué, retraité ou non, avec des séances en journée, du mercredi au vendredi, qui là, nécessite une disponibilité en journée. Mais sur les soirées et sur le week-end, on a un public aussi plus différent qui vient. Et l'éclectisme de la programmation fait aussi que ça attire un public assez varié. Et puis un petit clin d'œil à tous ces bénévoles qui sont mobilisés avant et pendant le festival. Oui, alors sur la préparation à l'année, ça représente une vingtaine de bénévoles. Mais ensuite, sur l'événement lui-même, on monte plutôt à 50 bénévoles pour faire tourner le bar, la billetterie, faire fonctionner toute la machine. Je ne l'ai pas dit, mais on a aussi des restaurateurs qui viennent chaque soir et les midis du samedi et dimanche pour que le festival puisse être vécu aussi autour de repas et dans la convivialité, quoi. Pour en savoir plus, vous vous rendez sur le site internet des Rencontres à la Campagne. Exactement, sur le site des rencontres, sur lequel est disponible aussi toute la programmation dans le catalogue. Il est important de préciser qu'il n'y a pas de pré-vente. Non, pas de pré-vente cette année. La billetterie ouvrira 30 minutes avant chaque film et le soir à 19h pour des séances à 21h, donc 2h avant le film. Bonjour, moi c'est Elisabeth Morel, je suis membre de l'association Rencontres à la Campagne depuis le début, c'est-à-dire 1998. Donc je me sens un petit peu vieille, mais c'est pas grave. Je suis le festival d'année en année. Et voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est comme ce soir avec cette réunion des bénévoles, c'est de voir cet élan pour faire vivre cet événement sur rue Pérou, qui est vraiment l'activité phare et fondatrice de l'association Rencontres à la Campagne. Voilà, donc ça fait plaisir de voir des gens motivés pour toutes les fonctions qu'il peut y avoir, les tâches qu'il peut y avoir à accomplir sur le temps du festival. Bien sûr, on travaille en amont depuis déjà plusieurs mois sur la programmation, on travaille sur la communication, on travaille sur plein de choses pour organiser ce festival. Mais c'est vrai qu'au moment du festival, voilà, on a besoin d'une petite équipe de plus de bénévoles, j'allais dire, que le long de l'année, pour prendre la part de l'organisation sur les sites intérieurs, l'accueil, le bar, les restaurateurs, l'accueil des musiciens également. Voilà, toutes ces tâches fort agréables, j'avoue, le temps du festival. Sans oublier le montage du chapiteau et le démontage du chapiteau en fin de festival. Donc voilà, on va pouvoir prendre la route de cette édition 2025. Voilà, on peut parler de prendre la route, effectivement, puisqu'un des fils conducteurs, c'est le road movie. Littéralement, c'est les films de route, voilà, c'est-à-dire des films de récits, de voyages, des films de quête de soi, de découverte de l'autre, de paysage, enfin voilà. Donc vraiment, au sens propre et au sens figuré, cette année, on va prendre la route pendant 5 jours à Rue Pérou, la route du festival de cinéma. Et puis, une programmation vraiment prometteuse. Oui, tout à fait, vraiment, il y en a pour tous les goûts, pour tous les publics, que ce soit le jeune public avec des ateliers, des films pour enfants, pour le centre de loisirs qu'on a ouvert également aux écoles. On va croiser des collégiens également puisqu'ils font pendant toute la semaine un atelier d'écriture de scénario et ils vont... Ce sont les quatrièmes donc, du lycée Lucie Aubrac de rue Pérou. Et donc, on va les croiser pendant le festival. Ils vont venir voir des films. Voilà, donc ça, c'est pour le jeune public. On a des avant-premières, on a des films inédits, on a des films d'animation, on a des documentaires, on a des réalisateurs, des réalisatrices, une intervenante cinéma qui sera fort, fort précieuse pour nous expliquer, pour nous faire une petite... conférence sur le road movie, justement, qui est vraiment un genre cinématographique vraiment à part. Voilà, donc plein de belles surprises, des avant-premières de Cannes, des documentaires, comme je le dis. Enfin, bref, il y en a vraiment 25 films. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en plus, on pourra se restaurer sur place avec des animations le soir. Voilà, tous les soirs... apéro concert sur le site à côté du chapiteau. S'il fait beau, on sera sur la place. S'il fait pas beau, on a la chance d'avoir le chapiteau et de pouvoir écouter la musique. Et en même temps, on peut se restaurer. Les producteurs locaux seront là pour nous régaler tous les soirs. Et aussi le samedi midi et le dimanche midi. En plus, cette année, on pourra profiter de restaurateurs. Vive le festival de cinéma à Rio Pérou. Vive le Festival de cinéma Rue Pérou, comme tu dis, c'est tout à fait ça. Encore pour la 28e édition. 28e édition déjà, vous avez connu les débuts, donc le festival a bien évolué, le festival d'hier et d'aujourd'hui. Ah oui, complètement évolué, puisqu'on a débuté effectivement sous le foirail, puisqu'il n'y avait pas de salle de cinéma en 1998. La première édition qui s'est faite sous le brouillard, mauvais temps, pas possible. Mais voilà, c'était vraiment un formidable élan et vraiment je suis contente que cet élan se perpétue encore jusqu'à aujourd'hui et puis j'espère encore de nombreuses années. Oui, bonsoir. Donc, je suis Charles Sèvres, donc retraité à Rue-Pérou, et je suis un des quatre membres de la direction collégiale de l'association Rencontre à la campagne. Les préparatifs, sont toujours un temps fort de l'association, puisqu'il faut mobiliser tous les bénévoles, mais l'association s'appuie sur des commissions, par exemple la commission de la programmation, qui tout au long de l'année choisit et sélectionne des films qui seront présentés durant le festival. La commission du site intérieur qui, elle, élabore donc les fiches pour la tenue des caisses de cinéma et pour l'accueil des partenaires et des festivaliers qui veulent prendre des abonnements. Après, une autre commission importante, puisque l'association tient à ce que le festival soit plein de convivialité, la commission bar qui, elle, gère tout ce qui est boisson et autour et vend quelques gâteaux. Et ensuite, dernière commission dont j'assure la responsabilité, c'est la commission communication, donc qui élabore donc la fiche du programme, qui élabore la communication, la presse et la communication radio, en particulier donc avec Maxi Sud, et qui nous suit depuis de nombreuses années. Donc il y a un groupe de bénévoles important qui travaille dans une bonne humeur, et l'important c'est de travailler pour la réussite donc du 28e festival du cinéma à la campagne à Rue-Pérou. Voilà, une 28e édition qui aura un thème assez spécial. Ah oui, alors le thème qui a été sélectionné par la commission programmation, c'est le road movie, qui veut dire donc le voyage sur la route. Donc c'est une programmation qui est éclectique. Bien entendu, le road movie, c'est un thème du cinéma américain, mais il y aura des films qui seront projetés à Rue-Pérou dans d'autres pays. Je ne veux pas en dire plus. Voyez le programme et vous saurez la liste de tous les films qui seront programmés. Donc un voyage à ne pas manquer avec les rencontres. C'est ça, voyage à ne pas manquer. Et c'est aussi l'occasion, dans ce voyage, de faire des rencontres.